prépare au planter pour toute mon année. Yo délégué corps à toute maman pour yo corps prépare au planter pour toute mon année. Yo délégué corps à toute maman pour y a pas pour mener inviter les amis pour demain matin bien bonheur pour y aller dans mer. Y a pas pour mener invitez les amis pour demain matin, bien bonheur, pour y aller ta mère. Yo coffee paré au planté pour toute mon année. Yo délégué corps à toute maman pour yo coffee paré au planté pour toute mon année. Yo délégué corps à toute maman pour y a pas pour mener inviter les amis pour demain matin bien bonheur pour y aller ta mère. Y a pas pour mener inviter les amis pour demain matin, bien bonheur, pour y aller ta mère. L'heure fait 3h du matin, on peut encore chanter. Maman pour lever, petit jour derrière, mal fini voler. Mais quatre points en relais, quand elle gagne à ma volée, ou qui prend devant. Kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, I didn't go when you never mama pull. Mal fini volé. I didn't go when you never mama pull. Kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa kwa dog, kwa k I didn't go quenching them, Mamma Bull. I got up, got it, see you.